et Philippe resta seul avec Vinka, qui ne souriait pas. D'un mouvement de bouche, d'un signe de tête rassurant, il l'invita à la guetter. Mais elle répondit par un autre signe, non, et ne cessa pas de contempler Philippe. Sa pâleur qui vernissait un peu le hâle brun, ses yeux noirs où le soleil trempait un rayon roux, sa bouche entr'ouverte sur de petites dents épaisses. « Que tu es beau, que je suis triste !» disaient les yeux bleus de Vinka. Mais il n'y lisait pas de pitié, et elle lui laissait tenir sa dure main de pêcheuse et de joueuse de tennis, comme elle lui eût tendu la poignée d'une canne. « Viens, pria tout bas Philippe, je vais t'expliquer. Ce n'est rien, mais allons dans un endroit tranquille. » Elle vint, et choisirent gravement, en guise de chambre secrète, un entablement de roc, parfois mouillé par les grandes marées, fourni par elle d'un sable à gros grains, vite séché. Aucun d'eux n'avait jamais songé qu'un secret pût être confié à des tentures de cretonne claire, à des parois de pitch-pain, d'une résonance musicale, qui portait d'une chambre à l'autre la nuit, la nouvelle qu'un des habitants de la villa tournait le bouton d'un commutateur, toussait ou laissait choir une clé. Sauvages à leur manière, ces deux enfants parisiens savaient fuir l'indiscret abri humain et cherchaient la sécurité de leur idylle et de leur drame au milieu d'un pré découvert, sur le bord d'une aire rocheuse ou contre le flanc creux de la vague. « Il est 4 heures, » dit Philippe en consultant le soleil. « Tu ne veux pas que j'aille te chercher ton goûter avant qu'on s'installe ?»« Je n'ai pas faim, » répondit Vinka. « Toi, tu veux goûter ?»« Non, merci. Mon petit étourdissement m'a retiré l'appétit. Assieds-toi dans le fond, moi je suis mieux près du bord. » Il parlait simplement, se sachant prêt à des paroles graves ou à un silence, presque aussi révélateur. Le soleil de septembre miroitait sur les jambes polies et brunes de Vinka, ployées au bord de sa robe blanche. Au-dessous d'eux, une houle inoffensive, que la brume en passant avait léchée et adoucie, dansait mollement, prenait par degrés sa couleur de beau temps. Les mouettes crièrent et un chapelet de barques s'égrena, une voile après l'autre, sortant de l'ombre du manga et gagnant la haute mer. Un chant enfantin, aigu, chevrotant, passa dans la brise. Philippe se retourna, tressaillit et exhala une sorte de plainte irritée. Tout en haut de la plus haute falaise, en côte bleuâtre et coiffée de cheveux roux, un petit garçon. Vinka suivit le regard de Philippe. « Oui, dit-elle, c'est le petit garçon. » Phil reprenait son sang-froid. « Tu parles du petit garçon, je crois, de la marchande de poissons ?» Vinka secoua la tête. « Le petit garçon, » rectifia-t-elle, « qui t'a parlé tout à l'heure ?»« Qui m'a ?»« Le petit garçon qui est venu t'informer du départ de la dame. » Philippe haït soudain l'éclat du jour. Le sable dur au rein et le vent enderré lui brûla la joue. « De quoi parles-tu, Vinka ?» Elle ne s'abaissa pas à répondre et continua. « Le petit garçon te cherchait. Il m'a rencontré et m'a informé la première. D'ailleurs, » elle acheva par un geste fataliste. Phil respira profondément, avec une sorte de bien-être. « Ah, alors tu savais ? Qu'est-ce que tu savais ? Des choses sur toi, pas depuis longtemps. Ce que je sais, je l'ai appris tout à la fois, il y a 3 ou 4 jours. Mais je me doutais. » Elle se tut, et Philippe aperçut, sous les prunelles bleues, en haut de la fraîche joue enfantine de son ami, la nacre. Le sillon des larmes nocturnes de l'insomnie, ce reflet satiné, couleur de clair de lune, qu'on ne voit qu'aux paupières des femmes contraintes de souffrir en secret. « Bon, » dit Philippe, « alors nous pouvons parler ? À moins que tu ne préfères ne pas parler, je ferai ce que tu voudras. » Elle réprima un petit mouvement des coins de la bouche, mais ne pleura pas. « Non, nous pouvons parler, je crois que c'est mieux. » Ils éprouvèrent un amer et identique contentement à distancer, dès le premier mot de leur entretien, le lieu commun de la dispute et du mensonge. C'est le fait des héros, des comédiens et des enfants de se sentir à l'aise sur un plan élevé. Ces enfants espèrent follement qu'une douleur noble pouvait naître de l'amour. « Écoute, Vinka, lorsque pour la première fois j'ai rencontré... »« Non, non !» interrompit Vinka avec précipitation. « Pas ça. Je ne te demande pas ça, je le sais. Là-bas, en bas du chemin de Guamont. Penses-tu que je l'ai oublié ?»« Mais, » protesta Philippe, « il n'y avait rien ce jour-là à oublier ni à retenir, puisque... »« Mais passe, passe! Crois-tu que je t'ai amené ici pour que tu me parles d'elle ?» Il sentit, à la portée simple du ton de Vinka, que son propre accent venait de manquer tout ensemble de naturel et de contrition. « Me faire le récit de vos amours, n'est-ce pas ? Pas la peine. Mercredi dernier, quand tu es rentré, j'étais levé, sans lumière. Je t'ai vu, comme un voleur. Il faisait presque jour. Et cette figure que tu avais ? Alors je me suis renseigné, tu penses ? Sur la côte, tu crois que tout ne se sait pas ? Il n'y a que les parents pour ne rien savoir. » Philippe, choqué, fronça les sourcils. La foncière brutalité féminine, soulevé en Vinka par la jalousie, l'offensait. Il s'était senti capable, en atteignant le refuge suspendu, de confiance amollie, de larmes, enclin en effet à de longs aveux. Mais il n'admettait pas cette activité décorchée. cette rudesse expéditive qui brûlait les relais pittoresques et flatteurs, et tendait vers... Au fait, vers quoi ? Elle va sans doute vouloir mourir, se dit-il. Elle voulait déjà mourir ici même un jour. Elle va vouloir mourir. Vinka, il faut me promettre ? Elle tendit l'oreille sans le regarder. Et tout son corps exprima, dans ce mouvement léger, l'ironie et l'indépendance. Oui, Vinka, il faut me promettre que, ni sur ce rocher, ni dans aucun lieu de la terre, tu ne chercheras à quitter la vie. Elle l'éblouit en lui jetant au visage le rayon bleu de ses grands yeux ouverts, dans un brusque et ferme regard. Tu dis quitter la vie ? Il posa les mains sur les épaules de Vinka. Hocha un front lourd d'expérience. Je te connais, chérie. D'ici même, tu as voulu, sans raison, te laisser glisser en bas il y a 6 semaines. Et maintenant ? La stupeur tandis qu'il parlait maintenait haut, au-dessus des yeux de Vinka, les arcs de ses sourcils. Elle secoua d'un tour d'épaule les mains de Philippe. Maintenant ? Mourir ? Pourquoi ? Il rougit à ce dernier mot, et Vinka compta sa rougeur pour une réponse. À cause d'elle ? S'écria Vinka. Tu es fou ! Phil arracha d'agacement les touffes du maigre gazon, et rajeunit soudain de 4 ou 5 ans. On est toujours fou quand on cherche à savoir ce que veut une femme, et quand on s'imagine qu'elle sait ce qu'elle veut. Mais je le sais, Phil, je le sais très bien, et aussi ce que je ne veux pas. Tu peux être tranquille, je ne me tuerai pas à cause de cette femme-là. Il y a 6 semaines ? Oui, je me laissais glisser là, jusqu'en bas, et je t'entraînais. Mais ce jour-là, c'était pour toi que je mourais. Et pour moi ? Pour moi ? Elle ferma les yeux, renversa la tête, caressa de la voix ses dernières paroles, et ressembla, avec une fidélité étrange, à toutes les femmes qui renversent le col et ferment les yeux sous un excès de bonheur. Pour la première fois, Philippe reconnut en Vinka la sœur de celle qui, les yeux clos et la tête abandonnée, semblait se séparer de lui dans les instants même où il la tenait le mieux embrassée. « Vinka, voyons, Vinka !» Elle ouvrit les yeux, se redressa. « Quoi ? Hé, ne t'en vas pas comme ça ! En voilà une figure de pamoison ! Je ne me pâme pas, c'est bon pour toi ! Le flacon de sel, l'eau de Cologne et tout le tremblement !» De temps en temps, la férocité enfantine se glissait entre eux, miséricordieuse. Ils y puissaient des forces, s'y retrempaient dans une lucidité anachronique, puis se rejetaient vers la folie de leurs aînés. « Je m'en vais, dit Philippe, tu me fais beaucoup de peine. » Vinka rit, d'un rire saccadé et déplaisant, comme n'importe quelle femme blessée. « Charmant, c'est toi maintenant à qui on fait de la peine, n'est-ce pas ? Mais certainement. » Elle fit un cri d'oiseau irrité, perçant, imprévu, dont Philippe tressaillit. « Qu'est-ce que tu as ?» Elle s'était appuyée sur ses deux mains ouvertes, presque à 4 pattes, comme un animal. Il la vit soudain effrénée, empourprée de courroux. Ses 2 panneaux de cheveux tendaient à se rejoindre sur sa figure penchée et ne laissaient place qu'à sa bouche, rouge et sèche, à son nez court élargi par un souffle coléreux, à ses 2 yeux d'un bleu de flamme. « Tais-toi, Phil, tais-toi, je te ferai du mal. Tu te plains ? Tu parles de ta peine ? Toi qui m'as trompé ? Toi le menteur ? Le menteur ? Toi qui m'as délaissé pour une autre femme ? Tu n'as ni honte, ni bon sens, ni pitié ? Tu ne m'as amené ici que pour me raconter ? À moi, ce que tu as fait avec l'autre femme ? Dis le contraire, hein ? Dis ! » Elle criait, à l'aise dans sa fureur féminine, comme un pétrel sur une rafale. Elle retomba, assise. Ses mains tâtonnantes trouvèrent un fragment de rocher qu'elle lança au loin dans la mer, avec une force qui confondit Philippe. « Tais-toi, Vinka ! Non, je ne me tairai pas ! D'abord, nous sommes tout seuls, et puis, je veux crier ! Il y a quoi de crier, je pense ! Tu m'as amené ici, parce que tu voulais raconter ? Repasser tout ce que tu as fait avec elle ? Pour le plaisir de t'entendre ? D'entendre des mots ? De parler d'elle, de dire son nom, hein ? Son nom, peut-être ? » Elle le frappa soudain au visage, d'un poing si imprévu et si garçonnier, qu'il faillit tomber sur elle et se battre de bon cœur. Les paroles qu'elle venait de vociférer le retinrent, et sa masculine et foncière décence recula devant ce que Vinka comprenait et faisait comprendre sans détour. Elle pense, elle croit au plaisir que j'aurais à lui raconter. Oh, et c'est Vinka, Vinka qui imagine ces choses-là. Elle se tut un moment et toussa, rouge jusqu'à la naissance de la gorge. 2 petites larmes glissèrent de ses yeux, mais elle n'était pas prête encore de la douceur et du silence des larmes. « Je n'ai donc jamais su ce qu'elle pensait, » songea Philippe. « Toutes ces paroles sont aussi surprenantes que cette force que je lui ai vue souvent quand elle nage, quand elle saute, quand elle lance des cailloux. » Il se méfiait des mouvements de Vinka et ne la quittait pas de l'œil. La couleur rayonnante de son teint, de ses yeux, la précision de sa forme mince, le pli tendu de sa robe blanche sur ses longues jambes, reléguaient à un plan lointain la souffrance, presque suave, qui tout à l'heure le couchait, immobile, sur l'herbe. Il profita de la trêve. Voulut montrer un sang-froid supérieur. « Je ne t'ai pas battu, Vinka. Tes paroles le méritaient plus que ton geste. mais je n'ai pas voulu te battre. Ça aurait été la première fois que je me serais laissé aller, hein. Naturellement, interrompit-elle une voix enrouée. Tu en battras une autre avant moi. Moi, je ne serai la première en rien. Cette voracité dans la jalousie le rassura. Il faillit sourire, mais le vindicatif regard de Vinca lui déconseilla la plaisanterie. Ils demeurèrent silencieux, virent le soleil descendre derrière le Menga, et une tache rose, incurvée comme un pétale, danser à la crête de toutes les vagues. Les clarines des vaches tintèrent en haut de la falaise. À la place où le fatal petit garçon chantait tout à l'heure, une figure cornue de chèvre noire parut et bella. « Vinca chérie !» soupira Philippe. Elle le regarda avec indignation. « C'est moi que tu oses appeler comme ça ?» Il inclina la tête. « Vinca chérie !» soupira-t-il. Elle se mordit les lèvres, rassembla ses forces contre l'assaut des larmes qu'elle sentait monter, serrait sa gorge, gonflait ses yeux, et ne se risqua pas à parler. Philippe, appuyé de la nuque au rocher brodé d'une mousse rase et violâtre, contemplait la mer et ne la voyait peut-être pas. Parce qu'il était là, parce qu'il faisait beau, parce que l'heure, son parfum et sa mélancolie l'exigeaient, il soupirait « Vinca chérie !» comme il eût soupiré. « Ah, quel bonheur !» ou bien « Que je souffre !» Sa nouvelle douleur exhalait les mots les plus anciens, les premiers mots nés sur ses lèvres. Ainsi le soldat vieilli, s'il tombe en combattant, gémit le nom d'une mère qu'il a oubliée. « Tais-toi, méchant, tais-toi! Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Elle lui montra ses larmes, qui roulaient sans laisser de sillon, sur le velours de ses joues. Le soleil jouait dans ses yeux débordants et élargissait le bleu de ses prunelles. Une amante, de tout blessée, assez magnifique pour tout pardonner, resplendissait dans le haut du visage de Vinca. Une petite fille désolée, un peu comique, grimaçait gentiment par sa bouche et son menton tremblant. Sans quitter l'appui de son dur oreiller, Philippe tourna vers elle ses yeux noirs, adoucis par la langueur de son propre appel. La colère avait exprimé, de cette fillette surchauffée, une odeur de femme blonde, apparentée à la fleur de bugrane rose au blé vert écrasé. Une allègre et mordante odeur qui complétait cette idée de vigueur imposée à Philippe par tous les gestes de Vinca. Pourtant elle pleurait et balbutiait. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Elle voulut arrêter le cours de ses larmes et mordit une de ses mains où parut, pourpre, le demi-cercle de ses jeunes dents. « Sauvage !» dit Phil à demi-voix, avec la considération caressante qu'il eût dédiée à une inconnue. « Plus que tu ne crois !» dit-elle sur le même ton. « Mais ne me le dis pas !» s'écria Philippe. « Tes moindres paroles ont l'air d'une menace. »« Avant, tu aurais dit une promesse, Phil. »« C'est la même chose !» protesta-t-il véhément. « Pourquoi ? Parce que... » Il mordilla une herbe. Décidé à la prudence, et d'ailleurs, incapable de préciser par des paroles les sourdes revendications de liberté mentale, de droits aux délassants et courtois mensonges, que son âge et la première aventure dilataient en lui. « Je me demande, plus tard, comment tu me traiteras, Phil ?» Elle semblait consternée et vide d'arguments. Mais Philippe savait comment elle pouvait rebondir et récupérer magiquement toute sa force. « Ne te le demande pas » pria-t-il brièvement. « plus tard, oui, la main mise sur l'avenir aussi. Elle a de la chance de pouvoir penser à la couleur de l'avenir en ce moment. C'est son besoin d'enchaîner qui parle. Elle en est loin de l'envie de mourir. » Il méconnaissait, hargneux, la mission de durer, dévolue à toutes les espèces femelles, et l'instinct auguste de s'installer dans le malheur en l'exploitant comme une mine de matériaux précieux. Le soir et la fatigue aidant, il fut excédé de cette enfant combative qui luttait d'une manière primitive pour le salut d'un couple. Il s'arracha en pensée à sa présence, courut à la poursuite d'une voiture roulant sur son nuage horizontal de poussière, atteignit, comme un mendiant de la route, la vitre où s'appuyait une tête assoupie sous son turban de voile blanc. Il revit tous les détails, les cils noircis, le signe noir près de la lèvre, la narine palpitante et serrée, des traits qu'il n'avait jamais contemplés que de tout près. Ah, de si près! Égaré et effrayé, il se leva, plein de la peur de souffrir et de la surprise d'avoir, pendant qu'il causait avec Vinca, cessé de souffrir. « Vinca, qu'est-ce que tu as? Je crois que j'ai mal !» Un bras irrésistible empoigna le sien, l'obligea à tomber au plus sûr d'une nid escarpée, car il chancelait près du bord. Abattu, il ne lutta pas et dit seulement « Ce serait peut-être le plus simple pourtant. Ah là là !» Elle ne cherchait pas de parole après ce cri trivial. Elle couchait contre elle le corps du garçon affaibli et serrait une tête brune sur ses seins qu'un peu de chair douce, toute neuve, arrondissait. Philippe s'abandonnait à une lâche et récente habitude de passivité, acquise dans des bras moelleux. Mais s'il chercha, avec une amertume à peine supportable, le parfum résineux, la gorge accessible, du moins il gémissait sans effort le nom de « Vinca chérie, Vinca chérie ». Elle accepta de le bercer, selon ce rythme qui balance, bras refermés et genoux joints, toutes les créatures féminines de toute la terre. Elle le maudissait d'être si malheureux et si choyé. Elle lui souhaitait de perdre la raison et d'oublier dans le délire un nom de femme. Elle l'apostrophait en elle. « Va, va, tu apprendras à me connaître, je t'en ferai voir. » Mais en même temps, elle écartait du front de Philippe un cheveu noir, comme une fêlure fine barrant à marbre. Elle savoura le poids, le contact nouveau d'un corps de jeune homme, qui hier encore elle portait, en riant et en courant, à Califourchon sur ses reins. Lorsque Philippe, en trouvant les yeux, quitta son regard, en la suppliant de lui rendre ce qu'il avait perdu, elle frappa de sa main libre le sable à côté d'elle et s'écria, au fond d'elle-même, « Ah, pourquoi es-tu née ?» comme une héroïne du drame éternel. Et cependant, elle surveillait, d'un œil agile, les abords de la villa lointaine. Elle mesurait en marin la chute du soleil. Il est plus de 6 heures. Elle notait le passage entre la plage et la maison de Lisette, pareil à un pigeon blanc dans sa robe voltante. Elle songeait, « Nous ne devons pas rester ici plus d'un quart d'heure, ou bien on nous cherchera. Il faut que je me lave bien les yeux. » Puis elle réintégrait à mes corps l'amour, la jalousie, la fureur lente à se calmer, les gîtes manteaux, aussi rudes et aussi originales que le nid dans le rocher. « Lève-toi » dit-elle tout bas. Philippe se plaignit, s'alourdit. Elle devina qu'il se servait à présent de la plainte de l'inertie pour échapper aux reproches et aux questions. Ses bras, tout à l'heure presque maternels, secouèrent la nuque ployée, le torse chaud, et son fardeau, hors de l'étreinte, redevint le garçon menteur, mal connu étranger, capable de la trahir, que des mains de femme avaient poli et changé. L'attacher, comme la chèvre noire au bout de 2 mètres de corde, l'enfermer dans une chambre, dans ma chambre, vivre dans un pays où il n'y aurait pas d'autre femme que moi, ou bien que je sois tellement belle, ou bien qu'il soit juste assez malade pour que je le soigne. Les ombres mouvantes de ses pensées couraient sur son visage. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Philippe. Elle contempla désabusée les traits qui seraient sans doute plus tard ceux d'un homme brun assez banalement agréable, mais que la 17e année, pour un peu de temps encore, retenait en deçà de la virilité. Elle s'étonnait qu'un stigmate affreux et révélateur n'eût point marqué ce menton suave, ce nez régulier apte à exprimer la colère. Mais ses yeux bruns, trop doux, et leur blanc bleu pâle, « Ah, comme je vois qu'une femme s'y émirait !» Elle hocha la tête. « Ce que je vais faire, m'apprêter pour dîner, et toi aussi. » Et c'est tout. Debout, elle tirait sa robe sous sa ceinture de soie élastique et surveillait diligemment Philippe, la maison, la mère qui s'endormait, et refusait, grise, refroidie, de participer à l'éclat du couchant. « C'est tout. À moins que toi-même, tu ne fasses quelque chose. » « Qu'appelles-tu quelque chose ?»« Mais partir, aller retrouver cette dame, décider que c'est elle que tu aimes, annoncer à tes parents ?» Elle parlait d'un air dur et puéril, en tirant machinalement sur sa robe, comme si elle eût voulu écraser ses seins. Elle a des seins en forme de coquille de patelle, ou encore en forme de petite montagne conique sur les peintures japonaises. Il rougit, parce qu'il avait prononcé distinctement en lui-même le mot « sein » et s'accusa de manquer au respect. « Je ne commettrai aucune de ces sottises, Vinka, » dit-il précipitamment. « Mais je voudrais bien savoir ce que tu ferais, toi, si j'étais capable de tout ça, ou de la moitié seulement. » Elle ouvrit grand ses yeux, plus bleu d'avoir pleuré, où il ne put rien lire. « Moi, je ne modifierais pas ma façon de vivre. » Elle mentait et le bravait, mais sous le mensonge du regard, il voyait, il tâtait la ténacité, la constance sans repos ni scrupule qui préserve l'amante, et l'attache à son amant et à la vie, dès qu'elle s'est découvert une rivale. « Tu te fais plus raisonnable que tu n'es, Vinka, et toi plus précieux. » Est-ce que tu n'as pas cru que je voudrais mourir tout à l'heure? Mourir pour une aventure de monsieur? Elle le désigna de la main ouverte, comme font les enfants qui se chamaillent. Une aventure, répéta Philippe, blessé et flatté. Eh, dame, tous les garçons de mon âge, il faudra donc que je m'habitue, interrompit Vinka, à ce que tu ne sois, en effet, que tous les garçons de ton âge. Vinka, chérie, je te jure qu'une jeune fille ne peut pas parler, ne doit pas entendre. Il baissa les yeux, se mordit la lèvre avec suffisance et ajouta. Tu peux me croire. Il offrit la main à Vinka pour qu'elle enjambât les longs blancs schisteux couchés à l'entrée de leur abri, puis les bas bouquets d'ajoncs qui les séparaient du sentier de douane. À 300 mètres de là, sur le pré de mer, Lisette en blanc tournait comme un volubilis blanc, et ses petits bras bruns gesticulaient télégraphiant. « Venez, vous êtes en retard !» Vinka leva les bras, répondit, mais elle se retourna encore vers Philippe avant de commencer à descendre. « Phil, justement, je ne peux pas te croire. Ou bien toute notre existence jusqu'à aujourd'hui n'aurait été qu'une de ces petites histoires fades, comme il y en a dans le livre que nous n'aimons pas. Tu me dis un jeune homme, une jeune fille, en parlant de nous. Tu dis une aventure comme tous les garçons de mon âge. Mais Phil, tu es quand même en faute. Tu vois, je te parle tranquillement. » Il l'écoutait, un peu impatient et perplexe, car il cherchait, à cet instant même, les tisons et les épines éparpillées de son grand chagrin et n'arrivait pas à les rassembler. L'extrême embarras de Vinka, visible sous trop d'assurance, allait encore les disperser. et le vent du soir, en outre, se levait avec une brusquerie malveillante. « Allons, quoi encore ? Tu es quand même en faute, Phil, puisque c'est à moi que tu aurais dû demander. » Il était sans désir, là, avide d'être seul, et pourtant plein d'appréhension, au seuil de la longue nuit. Elle avait escompté le cri, l'indignation, ou bien le trouble impur. Il la mesura de la tête aux pieds, entre ses cils rapprochés, et dit « Pauvre petite, demandez ? Bon, et accordez quoi ?» Il la vit offensée et muette. La traînée pourpre de son sang vif montait à ses joues, descendit sous la peau de sa gorge brune. Il la prit d'un bras par les épaules et marcha, serré contre elle dans le sentier. « Vinca, chérie, tu vois les bêtises que tu dis ? Des bêtises de jeune fille ignorante, Dieu merci. Remercie-le d'autre chose, Phil. Et si tu ne crois pas que j'en sais autant que la première femme qu'il a créée ?» Elle ne s'écartait pas de lui, le regardait de côté, sans tourner la tête, puis regardait devant elle le chemin difficile, puis regardait le nouveau Philippe, dont l'attention s'attachait à cet angle d'œil que le mouvement de la prunelle faisait alternativement bleu de pervenche et blanc, comme l'intérieur nacré d'une coquille. « Dis, Phil, tu ne crois pas que j'en sais autant que... »« Chut, Vinca, tu ne sais pas, tu ne sais rien. » Ils suspendirent leurs pas au tournant du sentier. Tout azur avait fui de la mer, coulé dans un métal solide et gris, presque sans plis. Et le soleil éteint laissait sur l'horizon une longue trace d'un rouge triste, au-dessus de laquelle régnait une zone pâle, verte, plus claire que l'aurore, où trempait l'humide étoile qui se lève la première. Philippe serra son bras autour des épaules de Vinca et tendit l'autre bras vers la mer. « Chut, Vinca, tu ne sais rien, c'est un tel secret, si grand. Je suis grande. » « Non, tu ne comprends pas ce que je veux dire. »« Si, très bien. Tu fais comme le petit garçon des Jalons qui est enfant de cœur le dimanche. » Il dit, pour te donner de l'importance, « Le latin, ah, mais vous savez, le latin, c'est très difficile. » »« Mais il ne sait pas le latin. » Elle rit tout à coup, la tête levée. Et Philippe n'aima guère qu'elle passa, en si peu d'instants et avec tant de naturel, du drame au rire et de la consternation à l'ironie. Peut-être parce que la nuit venait, il commença à revendiquer un calme tout laboureux de feu voluptueux, un silence pendant lequel le sang, fruissant aux oreilles, imite la pluie pressée. Il aspirait à la crainte, aux joues presque muets et pleins de périls, qu'il avait courbé sur un seuil que d'autres adolescents franchissent en titubant et en blasphémant. « Tais-toi, va, ne fais pas la méchante et la grossière. Quand tu sauras, mais je ne demande qu'à savoir. » Elle parlait faux et riait d'un rire de comédienne maladroite pour cacher que tout, en elle, grelottait et qu'elle était aussi triste que toutes les enfants dédaignés qui cherchèrent, dans le pire risque, une chance de souffrir un peu plus. Et encore un peu plus, et toujours davantage, jusqu'à la récompense. Je t'en prie, Vinca, tu me fais une peine. C'est si peu toi, ce genre-là. Il laissa retomber le bras qu'il appuyait sur l'épaule de Vinca et descendit plus vite vers la villa. Elle l'accompagnait, sautant, quand le sentier se rétrécissait, par-dessus les touffes d'herbes coupantes, imprégnées déjà de rosée. Elle préparait en marchant un visage destiné aux ombres, tout en répétant à mi-voix pour Philippe. Si peu, moi ? Si peu, moi ? Voilà pourtant une chose que tu ne sais pas, Phil. Toi qui sais tant de choses. » Ils furent tous deux à table, dignes d'eux-mêmes et de leurs secrets. Philippe rit de ses vapeurs, exigea des soins, attira sur lui l'attention, parce qu'il craignait qu'on ne remarquât les yeux éclatants, cernés d'un rose meurtri, que Vinca abritait sous le chaume soyeux, coupé en franges épaisses au-dessus des sourcils. Vinca, de son côté, faisait l'enfant. Elle réclama du champagne et le potage. « C'est pour remonter Phil, maman !» et vida sa coupe de pommerie sans respirer. « Vinca !» blâma une ombre. « Laissez donc !» dit une autre ombre indulgente. « Quel mal voulez-vous que ça lui fasse ?» Vers la fin du dîner, Vinca vit le regard de Philippe chercher, sur la mer nocturne, le Menga invisible, la route blanche fondue dans la nuit, les genévriers pétrifiés sous la poussière de la route. « Lisette » cria-t-elle. « Pince Phil qui est en train de s'endormir !»« Elle m'a pincé au sang, génie Philippe. Petite gale, elle m'a fait venir les larmes. »« C'est vrai, c'est vrai !» dit Vinca d'une voix perçante. « Elle t'a fait venir les larmes !» Elle riait, pendant qu'il frottait son bras sous la veste de flanelle blanche. Mais il voyait aux joues de Vinca, dans ses yeux, la flamme du vin mousseux et une sorte de folie prudente qui ne le rassurait pas. Une sirène, un peu plus tard, beugla très loin sur la houle noire et quelque ombre s'arrêta de remuer sur la table à jouer, le ventre pointillé des dominos. « Brouillard en mer !»« Le phare de Granville balayait dans du coton tout à l'heure, » dit une autre ombre. Mais la voix de la sirène venait d'évoquer la trompe mugissante d'une automobile fuyant sur la route côtière. Et Philippe bondit sur ses pieds. « Ça le reprend !» railla Vinca. Habile à se cacher, elle tournait le dos aux ombres, et son regard suivait Philippe comme une lamentation. « Sûrement non, » dit Philippe, « mais je n'en peux plus, et je demande la permission d'aller me coucher. Bonsoir, maman, bonsoir, père, bonsoir, madame Ferret, bonsoir. On te tient quitte de tes litanies ce soir, mon garçon. Si on te montait une tasse de camomille légère, n'oublie pas d'ouvrir ta fenêtre grande. Vinka, tu as porté chez Phil ton flacon de sel ? Les voix des ombres amies le suivirent jusqu'à la porte, en guirlande tutélaire un peu fanée, au doux parfum fade de simple séché. Il échangea avec Vinka le baiser quotidien qui tombait toujours à côté de la joue tendue et glissait vers l'oreille, sur le cou ou sur le coin duveté de la mouche. Puis, la porte se referma, la propice guirlande se rompit net et il se trouva seul. Sa chambre, béante sur la nuit sans lune, l'accueillit mal. Debout, sous l'ampoule en sachet de mousseline jaune, il respira, hostile et délicat, l'odeur que Vinka nommait « l'odeur de garçon ». Livre classique, valise de cuir préparée pour le départ du surlendemain, bitume des semelles de caoutchouc, savon fin et alcool parfumé. Il ne souffrait pas particulièrement, mais il éprouvait ce sentiment d'exil et de fatigue totale qui n'existe plus d'autre remède que l'inconscience. Il se coucha rapidement, éteignit sa lampe et chercha d'instinct la place contre le mur où ses peines de petit garçon, ses fièvres de croissance, avaient trouvé la nuit protectrice, l'abri du drap mieux bordé, du papier fleuri contre lequel déferlaient les songes apportés par la pleine lune, les grandes marées ou les orages de juillet. Il s'endormit aussitôt, mais pour être assailli par les plus intolérables précisions du rêve et les plus traditionnelles. Ici, Camille Dalleret portait le visage de Vinka. Là, Vinka autoritaire régnait sur lui avec une froideur impure et prestidigitatrice. Mais ni Camille Dalleret, ni Vinka dans son rêve ne voulaient se souvenir que Philippe n'était qu'un petit garçon tendre, pressé seulement de poser sa tête sur une épaule, un petit garçon de 10 ans. Il s'éveilla, vit que sa montre marquait 12:15 et que sa nuit gâchée se consumerait, fiévreuse, au centre d'une maison endormie. Il chaussa ses sandales, serra sur ses reins la cordelière de son peignoir de bain et descendit. La lune dans son premier quartier rasait la falaise courbe et rougeâtre. Elle ne versait pas de lumière au paysage, et le phare tournant du phare de Granville semblait, à chaque feu rouge, à chaque feu vert, l'éteindre. Mais la nuit, à cause d'elle, ne submergeait pas les masses de verdure, et le crépi blanc de la villa, entre les poutres apparentes, semblait faiblement phosphorescent. Philippe laissa ouverte la porte vitrée et entra dans cette nuit douce, comme en un refuge sûr et triste. Il s'assit à même la terrasse rebelle à l'humidité, foulée et tassée par 16 étés de vacances, d'où l'appel de Lisette exhumait parfois, antique et oxydé, un fragment de joie enterré depuis 10, 12, 15 années. Il se sentait désolé, sage à l'égard de tous. Devenir un homme, c'est peut-être cela, songea-t-il. L'inconscient besoin de dédier sa tristesse et sa sagesse le tourmentait vainement, comme tous les honnêtes petits athées à qui l'éducation laïque n'a pas donné Dieu pour spectateur. « C'est toi, Phil ?» La voix descendit jusqu'à lui comme une feuille sur le vent. Il se leva, marcha sans bruit jusqu'à la fenêtre à balcon de bois. « Oui, souffla-t-il, tu ne dors dans le pas ?»« Naturellement, non, je descends. » Elle le rejoignit sans qu'il l'eût entendu. Il ne vit venir à lui qu'un visage clair, suspendu au-dessus d'une silhouette confondue avec la nuance même de la nuit. « Tu vas avoir froid ?»« Non, j'ai mis mon kimono bleu. D'ailleurs, il fait doux, ne restons pas là. » « Pourquoi ne dors-tu pas ? Je n'ai pas sommeil, je pense. Ne restons pas là, nous réveillerons quelqu'un. Je ne veux pas que tu te descendes à la plage à cette heure-ci, tu t'enrhumeras. C'est un gars mon genre de m'enrhumer. Mais je ne tiens pas du tout à la plage, tu sais. On n'a qu'à se promener un peu en remontant, au contraire. » Elle parlait d'une voix insaisissable, et pourtant Philippe ne perdait pas une de ses paroles. L'absence de timbre lui causait un plaisir infini. Ce n'était plus la voix de Vinka, ce n'était la voix d'aucune femme. Une petite présence presque invisible au ton familier. Une petite présence, sans acrimonie, sans dessein sauf la promenade, sauf la veille tranquille. Il buta contre un obstacle, et Vinka le retint par la main. « Ce sont les pots de géranium, tu ne les vois donc pas ?»« Non, moi non plus, mais je les vois comme les aveugles, je sais qu'ils sont là. Fais attention qu'il doit y avoir un empotoir par terre à côté. »« Comment le sais-tu »« J'ai dans l'idée qu'il est là, et ça ferait du bruit comme une pelle à charbon. »« Boum, qu'est-ce que je te disais ?» Ce chuchotement malicieux charmait Philippe. Il eût pleuré de détente et de plaisir, à trouver Vinka si douce, toute pareille dans l'ombre à une Vinka d'autrefois qui n'avait que 12 ans, et qui chuchotait ainsi, penchée sur le sable mouillé, où la pleine lune dansait sur le ventre des poissons pendant les pêches de minuit. « Tu te rappelles, Vinka, la nuit nous avons pêché à minuit, le plus gros carlet ? Et ta bronchite ? Ça nous a valu une bonne défense de pêcher la nuit. Écoute, tu as refermé la porte vitrée ? Non. Vois-tu que le vent se lève et que la porte tape ? Ah, si je ne pensais pas à tout !» Elle disparut, revint comme un sylphe sur des pieds si légers que Phil devina son retour au parfum que le vent portait devant elle. « Qu'est-ce que tu sens donc, Vinka, comme tu es parfumée ? Parle moins haut, j'avais chaud. Je me suis fait une friction avant de descendre. » Il ne répliqua rien, mais son attention réveillée enregistra, en effet, combien Vinka pensait à tout. « Passe, Phil, je tiens la porte. Ne marche pas dans les salades. » Dans l'encens maraîcher qui montait de la terre travaillée, on pouvait oublier le voisinage de la mer. Une basse muraille de teint compact râpa les jambes nues de Philippe et il tâta au passage les museaux de velours des mufliers. « Tu sais, Finca, qu'au potager, on n'entend pas les bruits qui viennent de la maison à cause du bouquet de bois. Mais il n'y a pas de bruit dans la maison, Phil, et nous ne faisons pas de mal. » Elle venait de ramasser une petite poire tombée, mûrie précocement et musquée par le ver intérieur. Il l'entendit mordre dans le fruit, puis le jeter. « Qu'est-ce que tu fais? Tu manges? C'est une des poires jaunes, mais elle n'était pas assez bonne pour que je te la donne. » Une telle liberté d'esprit ne dissipa pas tout à fait la défiance vague de Philippe. Il trouvait Vinca un peu trop douce, légère et sereine comme un esprit. Et il songea soudain à cette gaieté étrange, comme échappée de la tombe, cette gentillesse insensée qui teinte dans le rire des religieuses. « Je voudrais voir son visage, » dit-il. Et il frissonna à imaginer que la voix sans timbre, les paroles de fillette joueuse, pouvaient sortir du masque convulsé, étincelant de sa colère et de ses belles couleurs qui avaient affronté le sien dans le nid des rochers. « Vinca, écoute, rentrons. Si tu veux, encore un moment. Accorde-moi un moment, je suis bien. Et toi, nous sommes bien. Comme c'est facile de vivre la nuit. Mais pas dans les chambres. Oh, je déteste ma chambre depuis quelques jours. Ici, je n'ai pas peur. Un fer luisant, si tard dans la saison. Non, il ne faut pas le prendre. Bête, qu'est-ce que tu as à tressaillir? C'est un chat qui a passé, voyons. La nuit, les chats attrapent les mulots. » Il distingua un petit rire, et le bras de Vinca lui serra la taille. Il tendait l'oreille à tous les souffles, à tous les craquements, séduit, malgré son inquiétude, par ce chuchotement nuancé qui ne cessait pas. Loin d'appréhender l'ombre, Vinca s'y guidait comme dans un pays ami et connu. Il expliquait à Philippe, lui faisait les honneurs de minuit et le promenait, ainsi qu'un hôte aveugle. « Vinca, chérie, reviens !» Elle jeta un tout petit haut de crapaud. « Tu m'as appelé Vinca, chérie ?»« Ah, pourquoi ne fait-il pas nuit tout le temps ?»« En ce moment-ci, tu n'es pas le même qui m'a trompé. Je ne suis pas la même qui a eu tant de peine. »« Ah, Phil, ne rentrons pas tout de suite. Laisse-moi être un peu heureuse, un peu amoureuse. Sûre de toi comme je l'étais dans mes rêves. Phil, Phil, tu ne me connais pas. Peut-être que non, Vinca, chérie. » Il trébucha sur une sorte de foin dur qui craqua. « C'est le sarrasin battu, » dit Vinca. « Ils l'ont battu au fléau aujourd'hui. »« Comment le sais-tu? Pendant que nous étions à nous disputer, tu n'entendais pas le battement des deux fléaux? Moi, je l'entendais. Assieds-toi, Phil. » Elle, elle l'entendait. Elle était forcenée. Elle m'a frappé au visage. Elle m'a dit des paroles sans suite. Mais elle entendait le battement des deux fléaux. Involontairement, il compara, à cette vigilance de tous les sens féminins, le souvenir de notre habileté féminine. « Ne t'en vas pas, Phil. Je n'ai pas été méchante. Je n'ai ni pleuré, ni reproché. » La ronde tête de Vinca, ses cheveux soyeux et égaux, roulèrent sur l'épaule de Philippe et la chaleur d'une joue chauffa sa joue. « Embrasse-moi, Phil, je t'en prie, je t'en prie. » Il l'embrassa, mêlant à son propre plaisir la mauvaise grâce de l'extrême jeunesse qui ne vise à combler que ses propres désirs et la mémoire trop précise d'un autre baiser qu'on lui avait pris sans le lui demander. Mais il connut contre ses lèvres la forme de la bouche de Vinca, le goût qu'elle gardait du fruit entamé tout à l'heure, l'empressement que mit cette bouche à s'ouvrir, à découvrir et à prodiguer son secret. Et il chancela dans l'ombre. « J'espère, pensa-t-il, que nous sommes perdus. Oh, soyons vite perdus, puisqu'il le faut, puisqu'il ne voudra plus jamais qu'il en soit autrement. Mon Dieu, que la bouche de Vinca est inévitable et profonde et savante dès le premier choc. Oh, soyons perdus, vite, vite !» Mais la possession est un miracle laborieux. Un bras furieux, qu'il n'arrivait pas à dénouer, liait la nuque de Philippe. Il secouait la tête pour s'en délivrer. Et Vinca, croyant que Philippe voulait rompre leur baiser, serrait davantage. Il saisit enfin le poignet raidi près de son oreille et rejeta Vinca sur la couche de sarrasin. Elle gémit brièvement et ne bougea plus. Mais lorsqu'il se pencha, honteux, sur elle, elle le reprit et l'étendit contre elle. Là, ils eurent une trêve charmante et quasi fraternelle, où chacun eut pour l'autre un peu de pitié et l'affabilité, la discrétion des amants éprouvés. Philippe tenait sur son bras renversé une Vinca invisible, mais sa main libre lissait une peau dont il n'ignorait ni la douceur ni les marques, écrite en relief par la pointe de l'épine et la corne du rocher. Elle essaya de rire un instant, en priant tout bas. « Laisse ma belle écorchure. Avec ça que c'est doux déjà, le sarrasin égrené. » Mais il entendait son souffle trembler dans sa voix. Et il tremblait aussi. Il retournait sans cesse à ce qu'il connaissait le moins d'elle, sa bouche. Il résolut, pendant qu'il reprenait haleine, de se relever d'un bond et de regagner la maison en courant. Mais il fut saisi, en s'écartant de Vinca, d'une crise de dénouement physique, d'une horreur de l'air frais et des bras vides, et il revint à elle avec un élan qu'elle imita et qui mêla leurs genoux. Il trouva alors la force de la nommer « Vinca chérie » avec un accent humble, qui la supplia en même temps de favoriser et d'oublier ce qu'il essayait d'obtenir d'elle. Elle comprit et ne manifesta plus qu'un mutisme exaspéré, peut-être excédé, une hâte où elle se meurtrit elle-même. Il entendit la courte plainte révoltée, perçut la ruade automatique, mais le corps qu'il offensait ne se déroba pas et refusa toute clémence. Fin de la section 6.